Chapitre 5e. J'ai pu momentanément sauver la vie du ravisseur que cependant le couteau de Yaha légèrement balafré. Le malheureux ne cesse de gémir, demande qu'on lui ouvre les yeux, et parfois supplie qu'on le tue. José a voulu l'attacher, soin bien inutile, il est à notre merci. Mais où est Lina, qui à son dire l'a frappée et s'est enfuie? Il l'ignore. Lucio remonte le cours du fleuve, tandis que José le descend et leur voix résonne alternativement tremblante, émue, nommant la jeune fille. Yaha, assis devant Severino, suit chacun de ses mouvements avec le regard lumineux d'un jaguar qui guette une proie et d'un mouvement automatique enfonce de temps à autre son couteau dans la terre, la fouille. Un cri de Lucio retentit. J'entraîne l'Indien et je m'hâte de rejoindre mon guide. Je le trouve agenouillé près du corps de notre compagne, qui est tendue sur l'herbe, pâle, les yeux fermés, semble dormir. Son huipil, ses mains sont tachées de sang. Toutefois, je le constate, d'un coup d'œil, l'herbe n'est pas foulée autour d'elle. Lucio s'assied à son côté, la nomme, puis doucement, avec une sollicitude de mère, la soulève, l'appuie contre sa poitrine, ne cesse pas de la nommer. Elle ouvre les yeux, regarde inconsciente, mais son nom, dit et redit avec tendresse par mon guide, amène sur ses lèvres un fugitif sourire. Assis dans leur pose accoutumée, Yaha et José tiennent chacun une des mains de la jeune fille, lui parlent en langue totonaque. Bientôt, haletante, les paupières à demi soulevées, elle leur répond par monosyllabes, semble lutter contre un invincible sommeil. Je la nomme à mon tour, elle ouvre les yeux, fait un mouvement pour se redresser. « Ah ! » dit-elle avec lenteur, « comme je t'ai appelé. Tu n'as pas répondu, mais je savais bien que tu me retrouverais. Tu sais, ajoute-t-elle après un silence. « J'ai bu, et pourtant j'ai toujours soif. » Sa voix, bien que voilée, a quelque peu retrouvé son doux timbre, très affaibli. Ce qu'elle dit, elle le murmure plus qu'elle ne le parle. « Où souffres-tu » lui dis-je. Elle se recueille, paraît réfléchir et me répond. « Nulle part. Seulement je suis lasse. Lasse. J'ai dormi. Je voudrais encore dormir. Dormir toujours. » Il faut te redresser. Essayez de te mettre debout. Elle soulève avec effort son bras droit qui retombe lourdement et elle murmure. Je ne peux pas. Je vais t'aider. Tu es faible par suite du manque de nourriture. Il faut te secouer, manger. Plus tard, à présent, non. Que t'est-il arrivé? Lui dis-je hésitant. Rien. Pourtant si, reprend-elle aussitôt. On m'a poursuivi. J'ai été renversé, saisi. Puis je me suis senti emporté par un cheval sur lequel j'étais lié. J'ouvris les yeux et, au-dessus du mien, avec des regards de bête, j'ai vu le visage de Severino. Lina se tait, se dresse, jetant ses bras en avant. Nous sommes pressés autour d'elle, épiant ses lèvres. Après, dis-je. Après, répète-t-elle, je t'ai appelé. Je vous ai appelé tous. Puis j'ai dû m'endormir, car je ne me souviens plus. Essaie de te souvenir. « Oh, ces yeux de bête » murmure-t-elle. « Je voulais les éteindre. J'ai invoqué la Vierge, je ne sais plus. » Lina est épuisée. Je cesse de l'interroger. Le pouls de la pauvre petite est à peine sensible. Ses lèvres sont sèches. Ses yeux, dont les paupières palpitent, ont un regard fixe, se voilent. Je voudrais en vain m'illusionner. Elle va mourir. Chercher à cette heure la vérité sur le fait redouté. Rappeler à cette âme vierge une heure à jamais néfaste et peut-être terrible, à quoi bon? L'oubli vaut mieux. En ce moment, Severino pousse des cris de douleur. Lina tressaille, essaye de se soulever. Sur son visage, que je ne perds pas de vue, aucune trace de terreur, d'appréhension. « Qui donc pleure ?» demande-t-elle. Aucun de nous ne répond. Elle ne renouvelle pas sa question et son visage reprend son calme, sa sérénité. J'ai recueilli Yaha et José. Nous avons vite formé un lit de mousse sur lequel, secondé par Lucio, je transporte, évitant toute secousse, la petite martyre. « Tu sais, » me dit-elle en prenant la main de Lucio, « je l'aime. »« Et il t'aime, » ai-je répondu, « et il désire que tu sois sa femme. » Elle sourit et réplique, « je veux bien. » Seulement, avant de me conduire devant un prêtre, qu'il me laisse me reposer. Elle croise ses mains sur sa poitrine, ferme les yeux. Yaha et José me regardent, interrogateurs. Je lève un doigt vers le ciel. Ils s'inclinent, s'agenouillent, s'affaissent comme des pénitents. Peu à peu, ils ramènent leur couverture sur leur tête pour cacher soit leur émotion, soit leurs larmes. Le feu que nous envoie allumer, où brûle à grand renfort de fumée des branches résineuses, lance parfois de longues flammes qui éclairent d'une façon fantastique notre groupe d'abord, puis les arbres dont nous sommes entourés. Le silence est profond. De loin en loin, d'énormes scarabées accourent, bourdonnent, tournoient, fascinés au-dessus du foyer, chutent sur les braises où ils grésillent. La rivière nous révèle sa proximité par un doux ressac, produit par le choc de ses flots minuscules contre des racines de mangliers, ou par le retour sur eux-mêmes. Ce qui parfois est lugubre et trouble jusqu'à l'impassible Yaha, ce sont les cris de désespoir ou de douleur de ces Verino qui pourtant ne nous arrivent qu'affaiblis. Le soleil paraît, les oiseaux s'éveillent, et en même temps qu'eux, des insectes aux élytres d'or, aux ailes de gaz. Lina ouvre les yeux, nous regarde inconsciente. Ses paupières palpitent, un frisson de sinistre augure l'agite, la secoue, puis sa respiration devient de plus en plus inégale, de plus en plus faible. Elle est encore sensible aux bruits qui se produisent, le chant d'un rossignol diurne la fait tressaillir, elle semble l'écouter, puis veut parler. Soudain, une légère crispation plisse ses lèvres et le rossignol fuit, emportant, comme le dit Lucio, qui se couche sur le sol et sanglote, l'âme angélique de l'innocente.